طيب، لا، une coupure de pile, donc il se peut qu'il y ait une partie du reste qui soit manquante pour le mustamirin. Nawasil, là on va lire le hiwar. Moi j'avais dit Anakra Mahmoud Wanta Salim ou Ahmed. Tfadl. هل تستطيع يا محمود أن تشرح لنا كيف يكون الإحسان إلى الوالدين في حياتهما؟ ترجم. Est-ce que tu peux, oh Mahmoud, nous expliquer comment être bienfaisant envers comment doit être la bienfaisance? Ah ouais. Comment connaître la bienfaisance envers nos parents dans notre dans leur vie? Lors de leur vie, non. محمود يقول نعم. هل أطيع والدي في كل شيء ولا أخالفهما؟ أخالفهما. أخالفهما سنغا. ولا أخالفهما. ولا أخالفهما. Est-ce que on obéit aux? Je. Est-ce que j'obéis aux parents? Est-ce que j'obéis aux deux parents dans toutes les choses? Là, c'est plutôt à mes parents. Walidayya et Anna. Ah ouais. Est-ce que j'obéis à mes parents dans toutes les choses ou est-ce que je les contredis ou je leur dis. Là, c'est pas comme ça. C'est est-ce que j'obéis à mes parents en toutes choses et je ne leur, désobéis et je ne leur contredis pas. Je ne m'oppose pas à eux, je ne contredis pas à Naam. Yakul Mahmoud, Naam. Ati'uma fi kulli shay'in illa idha amaraka bi khata'in aw ma'siyatin lillah. Fa yumkinu an tuwaddiha. لهما رأيك بهدوء ولا تطيعهما. Donc il dit oui, tu obéis en toutes choses à part s'il t'ordonne de faire une erreur ou d'une désobéissance à Allah. Il t'est possible de leur expliquer cela, ton avis, avec calme, hudou, c'est calme, mais tu ne leur obéis pas. Et comment être bienfaisant ou comment leur faire la bienfaisance, je sais pas quoi. Comment doit être la bienfaisance envers eux? يقول بالصدقه عنهما والدعاء لهما, en faisant aumône pour eux et en faisant les doigts pour eux. حقا ان الوالدين يستحقان منا كل احترام واحسان واعتراف بفضلهما لقد تعب في تربيتنا تعبا شديدا فعلينا أن نرد إحسانهما إحسانا واحتراما إلى آخر عمرهما. C'est vrai peut-être. Vraiment. Vraiment. Les parents, vraiment. Vraiment, les parents méritent. Mérite tout le respect. Mérite de nous. Ah ouais, mérite de nous tout le respect, la bienfaisance. Et la reconnaissance. De quoi? Et la reconnaissance de leur mérite. La reconnaissance de leur mérite. Ils se sont en effet, ils se sont en effet fatigués dans notre éducation. Non. Fatigue, on dira plutôt ils se sont grandement fatigués dans notre éducation. Non. Donc, Farina, en gros, nous devons leur rendre cette bienfaisance. Une bienfaisance d'un respect jusqu'à leurs dernières années. Non, jusqu'à la fin de leur vie. Mahmoud Yakoul, Naam. فالدين والإسلام يأمرنا بهذا قال الله تعالى وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Il dit oui, la religion islamique nous ordonne cela, et Allah, dans le sens où il dit, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, de faire preuve de bienfaisance envers les parents. بارك الله فيك يا محمود وفقنا الله إلى البر بوالدينا. Que Allah nous accorde le succès dans la bienfaisance envers nos parents. Taïe. Yaqul, tadrib al-awwal. Ajib an asilati taliya min an-nas. Répond aux questions. Hal tuti'u walidayka fi kulli shay? t'obéis à tes parents en toutes choses. ماذا قال سليم لمحمود؟ Que dit Salim à Mahmoud? كيف أجاب محمود؟ Comment est-ce que Mahmoud a répondu? كيف توضح رأيك لوالديك؟ Comment tu exposes, tu clarifies ton avis, ton opinion à tes parents? خامسا لماذا يستحق الوالدان الطاعة والإحسان؟ Pourquoi est-ce que les parents méritent l'obéissance et la bienfaisance? كيف تبرر والديك بعد وفاتهما؟ Comment peux-tu être bienfaisant envers eux après leur mort? سابعا بماذا دعا محمود في نهاية الحوار؟ Par quoi Mahmoud a-t-il invoqué à la fin de la conversation? Naam. Madame Afoum. Attends. طيب. قال الثاني أكمل كما في النموذج. النموذج عندنا درس معهد مفيدة أصبح الطالبان درسا في معهدنا دراسة مفيدة. Donc là il veut que tu conjugues un verbe يعني مثنى duel. Avec les phrases entre parenthèses. T'as vu là, c'est un os. Il y a un double nom. Tu, là, tu, les autres mots, tu vas mettre le pareil. Tu vas le mettre na. Okay. Tu mets pareil. Okay. Aux mêmes personnes. Okay. Comme ailleurs. Taliban, Amala. Amila. Amila. Mazra'ata. Fi. Fi mazra'ata. Fi mazla'atina. Comme ma'had là. Fi mazra'atina, là, ça. Naam. Mazra'atina. Attends, parce que là, du coup. Amilan. La. Non, non, ma foine. C'est pas Amilan. C'est. Amila. La. Amalan. Amalan. Le mazdar de Amal. De Amila, c'est Amal. Okay. Amalan. Kathiran. Non. Okay. Que les deux talibs ont travaillé dans notre mazra'a. On fait beaucoup de travail, on va dire. Avec Allah. زرع حديقة جيدة. الطالبان زرعا في حديقتنا زرعا زراعة. زراعة. زراعة جيدة. جيدة. نعم. Qu'ils ont cultivé nos champs de bonne façon. On va dire comme ça. ساعد تربية كبيرة. طالبان ساعدا في تربيتنا مساعدة كبيرة. نعم. Que les deux étudiants ont beaucoup aidé à notre éducation. On va dire comme ça. طيب. تدريب الثالث. املا الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات المناسبة مما يلي. Donc là, mettre les mots dans les phrases. عندنا أطيع جبير حق كن. Attends, حق كن يا. حق كن نعم. بهدوء calmement avec elle. أفهم يأمرنا nous ordonne حق كن vraiment. طيب الجملة الأولى إن دين الإسلامي بتوعة الوالدين. La religion islamique l'obéissance des parents. C'est quoi qui convient là? Ya'muruna. Taïb, ya'muruna. Ahsan, nous ordonne. Thaniyan, commence par le trou. Innal walidayni yastahiqani minna at-ta'ata wal ihsan. Que les parents méritent de nous l'obéissance et la bienfaisance. Naam. Haqqan. Vraiment. Thalithan, lam kayfa yakunu wal ihsanu layhima ba'd wafatihima. Donc, je ne le trou. Comment doit être la bienfaisance envers eux après leur mort? C'est quoi là qu'il faut mettre? C'est quoi? Comment? L'âme. Donc après l'âme, c'est forcément un verbe qui vient. Afham. Afham. Alors, c'est les majzoum et une soukoun. Je ne comprends pas comment doit être la bienfaisance envers eux après leur mort. Rabi'an, hel والدي في كل شيء. Est-ce que mes parents ont toutes choses? أطيعوا. أطيعوا. J'obéis. خامسا لقد كنت على في حديث حديثك. J'étais certes sur dans ta parole. نعم. سادسا إذا تحدثت فتحدث. Donc si tu parles, parle. أيوة. بهدوء. كلمة. الرابع يقول أكمل القائمة ألف بما يناسبها من قائمة باء. هنا premièrement ألف هنا يوضح رأيك. يبر الإحسان والديه. إن الوالدين. رابعا يكون الإحسان للوالدين بعد وفاتهما. خامسا طاعة الوالدين. ينفصنا لهما الفضل علينا ولكن بهدوء. لا يجوز في معصية الله بالدعاء لهما بعد وفاتهما بالصدقة عنهما. تفضل. Le premier, يوضح رأيك. Ou plutôt, يوضح عفوا. C'est pas يوضح, c'est يوضح رأيك. Éclaircir ton avis. C'est le même que dans le texte. Il y avait ça, hein? Aïwa. Jumla ni muradifa. Une phrase dans le même sens. Bihoudou. Aïwa, bah il est où là? Walakin bihoudou. Aïwa. Éclaircir ton avis, cependant, avec calme. Fanyan. J'ai dit, je crois que j'ai dit Ihsan, c'est l'insan, non. Ah ouais. Oh, j'ai mal lu tout à l'heure. Là. Yaburru al-Ihsanu walidayhi. C'est quoi la phrase? Là. C'est pas celui-là. Nawahada. أيوة. بالدعاء لهما بعد وفاتهما. هذا رابعا يكون الإحسان إلى إن الوالدين لهما الفضل علينا. نعم. ظلمي غير شنو. رابعا يكون الإحسان للوالدين بعد وفاتهما بالدعاء. لا نعم. L'autre aussi aurait pu être bon aussi. Ah non, parce qu'il le dit là. بعد وفاتهما. Ne pas se répéter. Donc c'est forcément ce que tu viens de dire là. تعات الوالدين. لا تجوز في معصية الله. نعم. أحسنت. طيب. ثم الخامس سيكون في البيت. لا tu vas le faire maintenant. أكمل من عندك. Dans une phrase tu la complètes avec une chose de ta tête. بر أحمد والديه. Que أحمد était bienfaisant vers ses parents. ما تريد؟ كل حياتي. نعم. طيب. ثانياً طاعة الوالدين. واجب علينا. واجبة علينا. نعم. ربي سبحانه وتعالى يجب عليه توه. الدعاء والصدقة. إحسان الوالدين بعد وفاتهما. عيد. الدعاء والصدقة. من الإحسان إلى الوالدين. بالوالدين بعد وفاتهما. نعم. أحسنت. رابعا لا تخالف والدك إلا tu poses pas ton père sauf إلا في خطأ أو معصية الله. أحسنت. طيب. Et là, en fait, on va chercher le bournamage. Il y en a ta'akhara na kathiran akfal mayan bari. On va tout faire un ders en un ders. En fait. Car c'est rapide, c'est simple. Donc là, ma va alek, essadis fil bait, wa zillek, en taktoub. Le premier aussi, je crois. Que la conversation, tu la mets en texte, en récit. Donc là, on va lire l'énoncé du Sadis. Les mots, tu les mets dans des phrases mufida. Ihtiram, mayyitun, khalafa, al-haq, yastahiqu, ihtiraf, yat'abu, al-tarbiya, rad, al-juz'a. Al-jaza'u. Donc là, maintenant, tous ces mots-là, tu mets dans une phrase. Ma'na hada, que gadan, nous sawib hada, n'a qu'on se kélimet, n'a trouvé ma chaleur fi ders, à la zibarda. Là, ma artaj. Ça prend beaucoup de temps pour pas. Bon, on peut tout faire en une fois, pour aller plus vite, pour par la suite rentrer dans notre kitab. C'est mieux. À part si des fois le ders est un peu long, peut-être qu'on va couper, mais là, comme c'est comme ça, là, c'est saria. Donc on fera tout ensemble et le lendemain, sawib el wajibat, on a trouvé le ders mbashara. Mafhoum hada? Fa ila huna walhamdulillah rabbil alamin.